Pour le président de cette organisation, cette campagne devrait être précédée par une médiatisation suffisante pour conscientiser la population. Aloïse Watungwanayo indique que même l'organisation dont il est président n'a même pas été informée de ce travail de déposition des témoignages. Suivez-le. Comme l'un des membres de l'Association pour la mémoire et la protection de l'humanité contre les crimes internationaux, MPC-Guilobounou, je ne suis pas du tout informé, et cela veut dire que l'association MPC-Guilobounou n'est pas du tout informée. Comme toutes les autres associations regroupées au sein de la plateforme Caravi, parce qu'on fait des réunions chaque fois. Donc, nous ne sommes pas du tout au courant. Mais comme Aloïse Batungwanayo, quelqu'un qui suit de près le processus du traitement du passé au Burundi, je suis bien entendu informé. Et là, je dois dire que la façon dont cette campagne de déposition a été lancée et menée jusqu'à aujourd'hui, je dirais que c'est vraiment une façon qui risque de ne pas produire des résultats satisfaisants. Pourquoi ? Parce que, la commission vérité et réconciliation aujourd'hui n'est pas au complet. 11 membres, mais depuis le mois de janvier, ils sont seulement 10 membres. Le deuxième problème, c'est que le démembrement de la commission vérité et réconciliation n'est toujours pas là. Troisième problème, c'est un problème crucial, c'est un problème psychologique d'accès à cette commission même. Vous voyez, là où se trouve cette commission, c'est un endroit bien sécurisé. Et là, c'est une bonne chose d'un côté, mais c'est une mauvaise chose de l'autre côté, parce que la plupart des victimes au Burundi l'ont été parce qu'il y a eu des hommes en uniforme, de l'armée régulière ou des mouvements rebelles de l'époque. Alors, la personne qui est aujourd'hui victime, soit du viol, soit des violences, est traumatisé seulement par l'image, non pas la personne, mais l'image de quelqu'un qui a cet uniforme. Et ce n'est pas du tout facile pour cette victime de franchir ces barrières qui sont bien gardées par les hommes en uniforme, policiers ou militaires. L'autre inquiétude soulevée par cette organisation réside dans le fait que la CVR vient de lancer son travail 21 mois après sa mise sur pied, alors qu'elle ne dispose que de 48 mois pour prester. Suivant encore une fois Aloïse Batungwanayo. Jusqu'aujourd'hui, dans les textes qui régissent la commission vérité et réconciliation au Burundi, elle a un mandat de 4 ans, c'est-à-dire 48 mois. Aujourd'hui, on est à 21 mois, mais la demande de déposition commence très tardivement. C'est vraiment un problème parce que ce processus doit être suivi par le dépouillement de ces dépositions, doit être suivi par les audiences à huis clos et public, doit être suivi par le rapport. Mais également, il y a l'identification des fosses communes qui n'a pas toujours été faite. Donc, beaucoup de défis pour cette commission qui risque franchement de l'empêcher à atteindre les résultats escomptés. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Radio Isanganiro, nous poursuivons avec ce journal. Une femme de la colline commune Nyabitsinda en province de Ruyigi dit être intimidée par l'administrateur communal qui la menace d'incarcération. Cette femme indique qu'elle est simplement victime d'avoir hébergé deux hommes originaires de la province de Kirundo qui ont été battus à Nyabitsinda vers la fin de la semaine dernière. L'administrateur de la commune réfute cette allégation. Elle indique qu'elle a plutôt demandé à cette femme de rappeler l'un des deux hommes qui a déjà regagné sa province en vue de faciliter les enquêtes. Jean-Claude Chimiliman. Joseline Ndaizigie, résident de la colline commune Nyabitsinda de la province Ruigi, est celle qui dit qu'elle est sous intimidation de la part de l'administration communale. Cette femme de 43 ans indique qu'elle a comparu ce lundi devant l'administrateur de la commune Nyabitsinda, qui était avec le président du conseil communal, le chef de zone et celui du centre Nyabitsinda. Dans ce bureau de l'administrateur, Joseline Ndaizigie dit qu'elle s'est expliquée sur plusieurs questions sous forme d'interrogatoire au sujet de deux hommes originaire de la province Kirundo qui font le commerce de Ndagala qu'elle avait hébergé vers la fin de la semaine dernière. C'est à ce bureau que l'administrateur de la commune a intimé l'ordre à Joseline Ndaizigie de ramener l'un des deux hommes, Abdul Misago, qui a regagné sa province d'origine dimanche dernier après qu'il ait été battu dans la nuit de vendredi à samedi, faute de quoi elle serait directement emprisonnée, a-t-elle indiqué Joseline Ndaizigie. De son côté, Marceline Bukuru, administrateur de la commune Nyabitsinda, dit qu'elle n'est pas en train d'intimider Joseline Ndayizigiye. Cette autorité administrative reconnaît qu'elle a fait comparaître Joseline Ndayizigiye pour échanger sur l'affaire des deux hommes originaires de Kirundo qu'elle avait hébergé, mais elle indique qu'elle a tout simplement souhaité que l'un des deux, Abdur Misago, qui a déjà regagné Kirundo, puisse revenir à Nyabitsinda pour question d'enquête sur l'affaire. Jean-Claude Nshimirimana, Ruigi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Claude. 5000 ménages de la province de Kirundo vont bénéficier d'une assistance alimentaire et nutritionnelle de la part du Programme Alimentaire Mondial pour une période de 2 ans jusqu'en 2017. Suite à l'insécurité qu'a traversée cette province ces derniers temps, les ménages les plus vulnérables bénéficieront des vivres en nature ou du transfert monétaire. Le chef de programme au sein du PAM dit que cette assistance sera donnée en contrepartie de leur participation aux activités qui permettront la productivité. Toutes les personnes dépositaires de l'autorité publique qui exigent ou ordonnent de percevoir à titre de droit ou contribution, impôt ou taxe, est punie d'une servitude pénale de 5 à 20 ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs burundais en vertu de l'article 50 de la loi contre la corruption. Les précisions sont du président de l'association Parole et Action pour le réveil des consciences et le changement des mentalités par ces mêmes sigles. C'était ce mardi lors d'un point de presse. Faustin Dikoumana regrette que les auteurs des infractions connexes à la corruption ne sont pas punis. Il appelle le gouvernement, notamment le ministère de la Bonne Gouvernance et les parlementaires, à faire cesser cette pratique. Suivez. Personne ne s'inquiète de la généralisation de la pratique de concussion constatée après des enquêtes faites sur base des doléances et des dénonciations de la population et des données recueillies à travers ces points focaux disséminés à travers tout le pays. Cette infraction est punie et bien définie à l'article 50 de la loi numéro 1, 12 du 18 avril 2006. La loi dit « est punie d'une servitude pénale de 5 à 20 ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs, toute personne dépositaire d'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui reçoit, exige ou ordonne de percevoir à titre de droit des contributions, des amendes, des impôts, des taxes de cautionnement, revenus, une somme qu'elle sait ne pas être dû ou excéder ce qui est dû. Mais sans aucune suite de sanctions administratives, voire même pénales, parce que la loi est claire. Personne ne comprend pas pourquoi les parlementaires, les sénateurs, la brigade spéciale anticorruption, où sont-ils pour vraiment s'attaquer à ce fléau avec force et vigueur? C'est pour cela vraiment que personne, à voir l'état actuel de la générale de cette infraction, invite tout le monde, d'abord au gouvernement, au ministère de l'Intérieur, de la justice et de la bonne gouvernance, la société civile et la population aussi d'être solidaire, de ne pas se faire rançonner de l'argent comme ça. Au gouvernement, alors, de prendre des sanctions administratives, la justice des sanctions pénales, parce que la loi est claire. La mise en œuvre de la peine du travail d'intérêt général permettrait de désengorger les prisons et éviterait des contacts entre les auteurs de délits mineurs et ceux des grands criminels. Cela est dit par Edouard Minani, c'est le directeur du Centre de formation professionnelle de la justice. Il regrette par ailleurs le boycott des administratifs et des associations sans but lucratif dans la synergie de mise en œuvre de cette peine. Le point avec Jean-Pierre Misago. Le décret présidentiel instituant la peine du travail d'intérêt général à la place d'une servitude pénale allant jusqu'à 2 ans date de juin 2013, mais sa mise en application n'est déjà effective que dans la seule province de Ngozi, selon Edouard Minani, directeur du Centre de formation professionnelle de la justice. C'est en effet dans cette province du nord du Burundi que les administratifs et les associations pour la promotion des droits de l'enfant ont répondu activement dans la synergie de mise en œuvre de cette peine en collaboration avec les magistrats. Et pourtant, indique Edouard Minani, la mise en œuvre de cette peine permet d'éviter le traumatisme du coupable qui continue à se développer tout en développant son pays, de le mettre loin des criminels qui pourraient influencer son comportement, mais aussi de désengorger les maisons de détention. Seule la synergie sans faille, justice, administration, association sans but lucratif peut aboutir à la mise en œuvre de cette peine et Edouard Minani ne doute pas que ce qui a été possible en Ngozi peut le